Je n'ai jamais pu me faire à l'idée de mentir ou de ruser pour obtenir quelque chose. Pourtant, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est une question de survie. À un moment donné, ça devient une question de survie. C'est comme si vous. C'est comme dans le temps, là, imaginez là, dans le temps là, que la Gestapo cherchait des Juifs. Puis il disait, est-ce qu'il y a, y a des Juifs cachés dans le bloc en avant? Vous n'allez pas mentir. Vous allez leur dire oui, il y a une famille là, avec des petits-enfants. Puis. À un moment donné, il faut. C'est une question de morale. Dans le sens, pas de la morale comme on nous l'a appris, mais dans le sens d'une logique de que l'énergie aille selon son appointement le plus harmonieux possible. Dans le sens que, à un moment donné, la peur du mensonge, il faut retourner ses propres forces contre lui. Parce que c'est en étant divisé contre lui-même que son empire s'effondre. C'est aussi simple que ça. C'est des principes qui ont été trop spiritualisés, trop psychologisés, trop philosophisés, trop philosophisés, trop intellectualisés. Mais c'est des réalités très, très claires, très, très, très simples. Puis on se complique la vie, c'est en réfléchissant qu'on se fourvoie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mentir, mais je ne veux pas me changer pour survivre dans un monde indésirable. On va mourir de tout. Bon, franchement. Ça, j'aime pas ça. Ça, là, c'est anti-vie, puis anti-homme, puis anti-créatif, puis anti-intégration. Ça a vraiment une vibration de merde. Dans le sens que vous n'avez pas le choix d'évoluer pour survivre, ça fait partie des lois de la vie. Donc, il faut qu'il y ait une transmutation. Il faut qu'il y ait une transmutation. C'est pour ça la souffrance expérimentale. C'est pour ça les lois de l'intégration. Il faut qu'il y ait une transmutation. C'est pour ça la confrontation. Donc, l'affaire, oh ben moi, je reste comme ça, puis je vais mourir de toute façon. Ça, c'est. Vous vous faites avoir, là, par des forces de subjectivité anti-homme, anti-vie, des forces involutives, de la mémoire involutive.